Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui commence après From Jazz to Jazz. Au pied du ventre, une grenade éclatée. La grenade déploie une circulation floconneuse qui monte comme des langues de feu, un feu froid. La circulation prend le ventre et le retourne, mais le ventre ne tourne pas. Ce sont des veines de sang vineux, de sang mêlé de safran et de soufre, mais d'un soufre édulcoré d'eau. Au-dessus du ventre sont visibles des seins, et plus haut et en profondeur, mais sur un autre plan de l'esprit, un soleil brûle, mais de telle sorte que l'on pense que ce soit le sein qui brûle, et au pied de la grenade, un oiseau. Le soleil a comme un regard, mais un regard qui regarderait le soleil. Le regard est un cône qui se renverse sur le soleil, et tout l'air est comme une musique figée, mais une vaste profonde musique, bien maçonnée et secrète, et pleine de ramifications congelées. Et tout cela, maçonné de colonnes, est une espèce de lavis d'architecte qui rejoint le ventre avec la réalité. La toile est creuse et stratifiée. La peinture est bien enfermée dans la toile. Elle est comme un cercle fermé, une sorte d'abîme qui tourne et qui se dédouble par le milieu. Elle est comme un esprit qui se voit et se creuse. Elle est remalaxée et retravaillée sans cesse par les mains crispées de l'esprit. Or, l'esprit sème son phosphore. L'esprit est sûr. Il a bien un pied dans le monde. La grenade, le ventre, les seins sont comme des preuves attestatoires de la réalité. Il y a un oiseau mort. Il y a des frondaisons de colonnes. L'air est plein de coups de crayon, des coups de crayon comme des coups de couteau, comme des stries d'ongles magiques. L'air est suffisamment retourné, et voici qu'il se dispose en cellules où pousse une graine d'irréalité. Les cellules se casent, chacune à sa place, en éventail, autour du ventre, en avant du soleil, au-delà de l'oiseau et autour de cette circulation d'eau soufrée. Mais l'architecture est indifférente aux cellules, elle sustente et ne parle pas. Chaque cellule porte un œuf, ou reluit qu'elle germe. Dans chaque cellule, un œuf est né tout à coup. Il y a dans chacune un fourmillement inhumain, mais limpide, des stratifications, un univers arrêté. Chaque cellule porte bien son œuf et nous le propose, mais il importe peu à l'œuf d'être choisi ou repoussé. Toutes les cellules ne portent pas d'œuf. Dans quelques-unes naît une spire, et dans l'air, une spire plus grosse pend, mais comme souffrée déjà ou encore de phosphore et enveloppée d'irréalité. Et cette spire a toute l'importance de la plus puissante pensée. Le ventre évoque la chirurgie et la morgue, le chantier, la place publique et la table d'opération. Le corps du ventre semble fait de granit ou de marbre ou de plâtre, mais d'un plâtre durcifié. Il y a une case pour une montagne. L'écume du ciel fait à la montagne un cerne translucide et frais. L'air autour de la montagne est sonore, pieux, légendaire, interdit. L'accès de la montagne est interdit. La montagne a bien sa place dans l'âme. Elle est l'horizon d'un quelque chose qui recule sans cesse. Elle donne la sensation de l'horizon éternel. Et moi j'ai décrit cette peinture avec des larmes, car cette peinture me touche au cœur. J'y sens ma pensée se déployer comme dans un espace idéal, absolu, mais un espace qui aurait une forme introductible dans la réalité. J'y tombe du ciel, et chacune de mes fibres s'entr'ouvre, et trouve sa place dans des cases déterminées. J'y remonte comme à ma source, j'y sens la place et la disposition de mon esprit. Celui qui a peint ce tableau est le plus grand peintre du monde, à André Masson, ce qui lui revient. L'image. Je vous disais donc que tout à l'heure, vous êtes sur Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Téléphone le 05 61 53 36 95, je répète. Téléphone le 05 61 36 53 36 20 95 05. Woo! Antonin Artaud, l'ombilic des limbes. Jacques Rivière à Antonin Artaud, Paris, le 8 juin 1924. Cher monsieur, peut-être me suis-je un peu indiscrètement substitué avec mes idées, avec mes préjugés à votre souffrance, à votre singularité. Peut-être ai-je bavardé là où il fallut comprendre et plaindre. J'ai voulu vous rassurer, vous guérir. Cela vient sans doute de l'espèce de rage avec laquelle je réagis toujours, pour mon compte, dans le sens de la vie. Dans ma lutte pour vivre, je ne m'avouerai vaincu qu'en perdant le souffle même. Aux dernières lettres, le mot « âme » vient remplacer plusieurs fois le mot « esprit » et éveille en moi une sympathie plus grave encore, mais plus embarrassée que les premières. Je sens, je touche une misère profonde et privée. Je reste en suspens devant des mots que je ne puis qu'entrevoir. Mais peut-être cette attitude interdite vous apportera-t-elle plus de secours et d'encouragement que mes précédentes ratiocinations. Et pourtant, suis-je sans aucun moyen de comprendre vos tourments? Vous dites qu'un homme ne se possède que par éclaircie, et même quand il ne possède, quand il se possède, il ne s'atteint pas tout à fait. Cet homme, c'est vous, et je peux vous dire que c'est moi aussi. Je ne connais rien qui ressemble à vos tornades, ni à cette volonté méchante qui, du dehors, attaque l'âme et ses pouvoirs d'expression. Mais pour être plus général, moins douloureuse, la sensation que j'ai parfois de mon infériorité à moi-même n'est pas moins nette. Comme vous, j'écarte, pour expliquer, les alternatives par lesquelles je passe, le symbole commode de l'inspiration. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus substantiel. Si j'ose détourner ce mot de mon sens, de son sens, qu'un bon vent qui me viendrait, ou non, du fond de l'esprit, il s'agit de degrés que je parcours dans ma propre réalité, non pas volontairement, hélas, mais de façon purement accidentelle. Il y a ceci de remarquable que le fait même de mon existence, comme vous le notez pour vous-même, ne fait à aucun moment pour moi l'objet d'un doute sérieux. Il me reste toujours quelque chose de moi, mais c'est bien souvent quelque chose de pauvre, de malhabile, d'infirme et presque de suspect. Ce souffle qui se suspend est le dernier, vraiment le dernier. Il est temps de faire ses comptes. La minute tant crainte, tant redoutée, tant rêvée, elle est là. Et c'est vrai que l'on va mourir. Ce souffle qui se suspend est le dernier, vraiment le dernier. Il est temps de faire ses comptes. La minute tant crainte, tant redoutée, tant rêvée est là. Et c'est vrai que l'on va mourir. Ce souffle qui se suspend est le dernier, vraiment le dernier, il est temps de faire ses comptes. La minute tant crainte, tant redoutée, tant rêvée est là, et c'est vrai que l'on va mourir. Ce souffle qui se suspend est le dernier, vraiment le dernier, il est temps de faire ses comptes. La minute tant crainte, tant redoutée, tant rêvée est là, et c'est vrai que l'on va mourir. Ce souffle qui se suspend est le dernier, vraiment le dernier, il est temps de faire ses comptes. La minute tant crainte, tant redoutée, tant rêvée est là, et c'est vrai que l'on va mourir. Ce souffle qui se suspend est le dernier, vraiment le dernier. Il est temps de faire ses comptes. La minute tant crainte, tant redoutée, tant rêvée est là. Et c'est vrai que l'on va mourir. bienvenue sur Canal Sud. Canal Sud, la radio qui... Bienvenue dans Nuisance, l'émission qui... Bienvenue. Oh yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. tout. L'ombilic. L'ombilic des limbes. L'émotion qu'entraîne l'éclosion d'une forme, l'adaptation de mes humeurs à la virtualité d'un discours sans durée, m'est un état autrement précieux que l'assouvissement de mon activité. C'est la pierre de touche de certains mensonges spirituels, cette sorte de pas en arrière que fait l'esprit en deçà de la conscience qui le fixe, pour aller chercher l'émotion de la vie, cette émotion sise hors du point particulier où l'esprit la recherche, qui émerge avec sa densité riche de forme et d'une fraîche coulée. Cette émotion qui rend à l'esprit le son bouleversant de la matière. Toute l'âme s'y coule et passe dans son feu ardent. Et plus que le feu, ce qui ravit l'âme, c'est la limpidité, la facilité, le naturel et la glaciale candeur de cette matière trop fraîche et qui souffle le chaud et le froid. Celui-là sait que l'apparition de cette matière signifie et de quel souterrain massacre son éclosion est le prix. Cette matière est l'étalon d'un néant qui s'ignore. Quand je me pense, ma pensée se cherche dans l'éther d'un nouvel espace. D'un nouvel espace. D'un nouvel espace. Un nouvel espace. Un nouvel espace. Un nouvel espace. Espace. Espace. Dans l'éther d'un nouvel espace. Je suis dans la lune, comme d'autres sont à leur balcon. Je participe à la gravitation planétaire dans les failles de mon esprit. La vie va se faire, les événements se dérouler, les conflits spirituels se résoudre et je n'y participerai pas. Je n'ai rien à attendre ni du côté physique ni du côté moral. Pour moi, c'est la douleur perpétuelle et l'ombre, la nuit de l'âme, et je n'ai pas une voix pour crier. Dilapidez vos richesses loin de ce corps insensible à qui aucune saison ni spirituelle ni sensuelle ne fait rien. J'ai choisi le domaine de la douleur et de l'ombre, comme d'autres celui du rayonnement et de l'entassement de la matière. Je ne travaille pas dans l'étendue d'un domaine quelconque, je travaille dans l'unique durée. retourne à la gare pendant que madame rêve. Like it and actually tasted my funky mouth. Just see what I mean? Just see what I mean? It's like this, you know? It's never gonna go down, down. Never gonna go down. It's always gonna go up, up and away. Up in the fiery pits of hell and funky shit. Funky shit. C'est à l'époque. Toutes les époques d'ailleurs sont dégueulasses dans l'état où je suis. Vous n'imaginez pas à quel point je puis être privé d'idées. Je n'ai même pas les idées qui pourraient correspondre à ma chair, mon état de bête physique, soumise aux choses et rejaillissant à la multiplicité de leurs contacts. Et la bête mentale, n'en parlons pas. Ce que j'admire, ce pourquoi j'ai appétit, c'est la bête intelligente qui cherche, mais qui ne cherche pas à chercher. La bête qui vit. Là. Il ne faut pas que l'agrégat de la conscience se défasse. Là, de la lassitude. Ce qui me fait rire chez les hommes, chez tous les hommes, c'est qu'ils n'imaginent pas que l'agrégat de la conscience se défasse. Fucking. À n'importe quelle opération mentale qu'ils se livrent, ils sont sûrs de leur agrégat. Fuck. Cet agrégat qui remplit chacun des interstices de leur plus minime, de leur plus insoupçonnable opération. À quelques stades d'éclaircissement et d'évolution dans l'esprit que ces opérations soient parvenues. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit jamais de cela. Car si l'on devait toujours penser à sa pensée, n'est-ce pas ? Pas moyen de penser, de se livrer à une opération mentale supérieure à ce qui est proprement la pensée. Et non pas l'exsuda, la sécrétion de l'esprit, mais le mécanisme de cet exsuda. J'estime avoir assez emmerdé les hommes par le compte-rendu de mon contingentement spirituel, de mon atroce disette psychique. Et je pense qu'ils sont en droit d'attendre de moi autre chose que ces cris d'impuissance et que le dénombrement de mes impossibilités. Ou que je me taise. Mais le problème est justement que je vis. Ce qui est capable d'arracher les hommes à leur terre, à cette terre figée de l'esprit enfermé dans son cercle, why not, after all? C'est ce qui sort du domaine de la pensée. Sortir. Comment dites. Sortir comme pour. Ce qui pour moi est au-dessus des relations de l'esprit. Et c'est pas possible de faire autrement. Je suis comme un aveugle au milieu des idées. Il n'y a pas toute spéculation qui ne serait pas un constat, une simple agitation de phénomènes connus m'est interdite. Déjà mort. Mais le mal à y regarder de près est que je ne vois pas la nouveauté. I'd like to die pour me dire it. La nécessité d'aucune opération intellectuelle. Fucking. Il n'y a pas de choc dans l'esprit qui m'apparaisse le résultat d'une idée. King. C'est-à-dire, d'une conflagration nourricière de force au visage neuf. J'en suis au point où je ne sens plus les idées comme des idées, comme des rencontres de choses spirituelles, ayant en elles le magnétisme, le prestige, l'illumination de l'absolue spiritualité, mais comme de simples assemblages d'objets. Je ne les sens plus. Je ne les vois plus. Je n'ai plus le pouvoir qu'elle me secoue, comme telle. Et c'est pourquoi, probablement, je les laisse passer en moi sans les reconnaître. Mon agrégat de conscience est rompu. J'ai perdu le sentiment de l'esprit, de ce qui est proprement pensable, où le pensable en moi tourbillonne comme un système absolument détaché, puis revient à son ombre. Et bientôt, le sensible s'éteint. Et il nage comme des lambeaux de petites pensées. Une illumination descriptive du monde. Et quel monde? Mais au milieu de cette misère sans nom, il y a place pour un orgueil. Organe. Qui a aussi comme une face de conscience. Face. Cécile, on veut la connaissance par le vide, une espèce de cri abaissé qui au lieu qui monte, descend. Chibre. Mon esprit s'est ouvert par le ventre, et c'est par le bras qu'il entasse une sombre et inconduisible science. Pleine de marées souterraines, d'édifices concaves, d'une agitation congelée. Qu'on ne prenne pas ceci pour des images. Ce voudrait être la forme d'un abominable savoir. Mais je réclame seulement pour qui me considère le silence. Mais un silence intellectuel, si j'ose dire. Et pareil à mon attente crispée. Ça descend toujours vers le but ultime, plouf. Même si plouf. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. C'est tombé, plouf, plouf, dans la jarre, dans l'immondice ténébreux de l'azur bleuté. Plouf, plouf, c'est tombé, pas décollé. Besoin d'indices pour les immondices, car elles s'entassent sous mes yeux. Ça se décolle en foisonnement de foisonnance. Comme la crêpe. Olchwe, Togi, Boadjawale, Tugi, Wogi Bogi, Chagada, Chagada. Pas besoin de gâcher le sucre pour le mettre sur une crêpe d'immondice, ça se décolle tout seul. Ça ne la rend pas meilleure. De choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Merci. Merci, humain. Je ne suis pas une machine. Est-ce que tu aurais la même chose en deux fois moins grand? Parce que je n'ai pas besoin de tout. Merci. C'est exactement la marchandise qui me convient. Oh, la la la la. Marchandise, morcelle le monde comme une mosaïque. Ouh, bébé, prends-moi par le fion. Non, ça vaut pas assez cher. Il est 22h, l'heure du fion. Eh oui, mais à cette heure en bourse, ça ne vaut pas très cher de prendre par le fion. Le fion. Même si tu es le messie, car... Je peux te dire que moi, en tant que marchandise, l'amour, je sais ce que je vaux à l'heure qu'il est. C'est trop du cul, l'amour. Je sais que tu ne vaux plus grand-chose, ouais. Même si je t'apprécie et je reconnais... Prends-moi par mon amour. La valeur que tu as. De mon amour. Oh, que je t'aime pas. La somme de travail cristallisé dans toi, ô marchandise. Oh. Oh yeah, baby. L'affreux Jojo qui est dans la cabine. C'est une belle marchandise. Je suis hors de prix, mec. Marchandise hybride et exotique qui vaut son pesant d'or. Venu tout droit des tribus où les barrissements sont quotidiens. Vous avez le fond sonore en prime si vous achetez cette marchandise. À l'arrière des berlines, on devine. Des barbares et leurs figurines. I'm t- talking about my mother and my father. I'm fucking them in the ass at this very moment in time and space. They're fucked. Quelqu'un a pensé à faire quelque chose pour les zombies sans trop manger tout le monde? En fait, je pense qu'on n'est pas assez rock'n'roll et on devrait leur tirer dessus pour qu'ils s'arrêtent de crier et qu'ils soient contents. En fait, ils s'ennuient, je crois. Ouais, mais ça a déjà été fait dans un clip. Bah après, ils se mettent tous en danse. Ah oui, c'est vrai, ouais, je m'en rappelle. Sinon, on pourrait sortir. Si on avait des armes à feu, ça pourrait être utile. Ouais. Quelqu'un a une arme à feu? Un pistolet, quelque chose, un fusil? Ouais, j'ai une arme à feu, tu veux voir pointer mon arme à feu? Ouais. Sur ma gueule? Bah, vas-y, mets-toi un peu. Ouais, mais. Tu veux pas plutôt tuer les zombies qu'il y a dans la salle d'à côté là? Pourquoi Pourquoi c'est jamais les bonnes personnes qui ont les bonnes idées comme toi là? Hein? Toi c'est pas. T'es pas vraiment nuisible en fait, faudrait vraiment que. Tu sais. Je sais pas. Parce que je suis un puissant fond d'idées. Par exemple. Tu parles trop fort, c'est ça? Notre cher et tendre social traître. Qui est actuellement au pouvoir, qui mériterait de nous montrer comment il manie l'arme à feu sur lui-même. Fuck, gamin, fuck, mosaïque, fuck, paralysie, fuck, ramasseur, fuck, statue, fuck, verrine. Ah, statue c'est paralysé. Squatter, fuck, panthéon. Fuck 31, c'est un nouveau site qui vous permet de faire des rencontres moins lourdes. Avocat. Fuck agression. Fuck conjugal. Agressé. Fuck énervation. Les fox se rebellent. Les fox. Énervation. Fuck. Les fox sont les premiers réfugiés climatiques. Ils arrivent sur toutes les stations balnéaires. Énervation. Mais malheureusement. Énervation. Fuck. La réaction est très hostile. Fuck, impeccable. Fuck, interrogation. Fuck, encadrement. J'encule Mouduc, tir à vue. Encadrement. Avec. Encadrement. Encadrement. Tout son encadrement. Personnel policier. Encadrement. Encadrement. Encadrement. Et bien sûr, tout encadrement. Est filmé par les 300 nouvelles caméras de surveillance. Encadrement. C'est encadrement. Ça le vivre ensemble et raser tout pour faire de la pelouse. Are we allowed to damage the field? And the two twisted sound clauses are team? Okay, I say, what do you want? How much do you want it for? They answer, I don't go around the inspector. Not. I put my hand in between him and the guys. The machine air port control is about to come to Guinea. We go to the band with carnivorous flowers on its sides and deal. There. Warm along by the words, spread, I think, and more to trust. The ancients will tell everybody. Je vous dis pas le tableau comme il est sale, mais là, on va bientôt devenir fou. Nous devons l'encadrer. Dans à peu près 30 secondes, on devient barge, quoi. Pas sûr, on pourrait continuer à travailler comme ça, longtemps, sans devenir barge. Mais sans crier. Les nouveaux, les jeunes les supportent vachement mieux. Remplacer les vieux par des jeunes. Eux, ils savent pas que c'est de la folie. Il y a quelque chose qui vaut le coup là-dedans, c'est la mort de... Est-ce que t'aurais une autre soucoupe ou alors la petite capsule qui se trouve à côté? Il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose qu'on voit de loin. La chiasse. Et ça vient de plus en plus près, ça se rapproche vers l'enfer. L'enfer devait clairement... Internement. La merde. Moi j'ai été interné il y a 32 ans. J'ai dit la merde. C'était la merde. C'est purulent. C'était une merde. De la fionture. Ça colle au cul. Ça pue. La merde. Ça colle au cul. J'ai été interné. C'est la merde. On va tous crever. Vous êtes plein de trous de cul. Ça colle. C'est là que je vois quelque chose. Comme s'il devait. mais ça s'arrêtera plus jamais pour l'instant. C'est comme ça, ça s'arrête pas. C'est bien intéressant, c'est comme ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Merde, plein les noix. C'est pas bon, c'est pas bon. Ça pue tout à la fois. Merde. Et c'est là que ça s'arrête, une bonne fois pour toutes, parce que moi, je suis quelqu'un de bien. Ah la merde, je n'ai plus une voix. Et c'est ça le pluralisme d'idées bourgeois, c'est déverser sa merde, quelle que soit la couleur. La déverser pour colorer tous les drapeaux. S'empresser de saisir à pleine main pour savoir à quel sens se vouer, savoir à quelle merde se vouer. Moi j'ai du caca dans le cul. Plus que la tienne, la colle. La mienne s'arbore sur un drapeau et n'est pas collée à mon cul. Je vais chier avec les doigts. J'ai un cerveau plein de merde. La publicité m'a bouffé la cervelle. Je ne vois que des meufs et des mecs à moitié à poil avec des belles voitures. Et des dents qui brillent, et pas de cigarettes, pas une seule cigarette, au loin que des bouteilles de verre en alcool. C'est la couleur de la merde, en vigueur, pas une putain de cigarette. Et les coquillages. Sache-le. Ah non, l'alcool, c'est le caca, c'est quoi le. Je cherche ma cigarette. Ah, j'en ai dans le cul une cigarette. Qui passe et laisse des où est ma cigarette. Ah, le caca, ça colle. Et mon caleçon, j'ai plein le cul. Imbibé, qui encore. Je veux ma cigarette. La merde. Dans ma bouche. Je veux une cigarette. Ce qui est vu est bon. Et ce qui est bon est vu, et c'est donc la merde la plus vue qui est la meilleure. Maman, donne-moi une dernière cigarette. De l'ordre symbolique de la merde. Gonfle jusqu'à trois fois sa taille. Ma chérie, toi qui mouille comme ma maman, elle mouille quand elle pense à mon papa qui l'encule en ce moment même. Oh oui. Oh, ça me fait jouir de voir une telle dépravité dans un fion doré comme celui de ma merde. T'as quelle vessie qui domine. Le fion, c'est ça qui sent le cul. Le cul, c'est ça qui sent le fion. Le fion, c'est ça qui sent la merde. La merde, du cul ça pue la merde. J'aime beaucoup. Oui, c'est très bon. Bon, j'en mange tous les matins, c'est très bon. Oui, c'est bon. J'aime. Ah oui, c'est très bon. Ah, ça c'est bon. Faut manger ça, hein. C'est très bon. C'est moi qui l'ai fait. Avec amour. Ah, moi je mange ça, hein, c'est bon. Ah, il faudrait goûter. C'est très bon. Goûte. Mange. Allez, mange. Mon amour. La merde dans les oreilles. Mon amour, quoi, t'as mis des forts, mon amour. Avec de la merde dans les oreilles, on fait tout, sauf du pipi. Pourquoi pas, on pourrait en faire aussi, hein. À toi l'honneur. Elle me chérie, mon amour. Ça fait avec de l'amour et de la merde. Dans ton cul, je crois. Ouais, carrément, vas-y, parle-moi de ça, là. Avec de la merde coloniale. Bienvenue. Et tu mets quoi, merdothérapie ? Enfermer une cerise dans une prison de. La séance de merdothérapie est remboursée par la sécurité sociale. Ah, 200%. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, il suffit juste de vous diriger vers les toilettes les plus proches. Ça fait partie des services publics, on pourrait en faire profit. Du papier hygiénique, ainsi que nos dirigeants méritent du laxatif sont fournis dans nos distributeurs. Moi, je pense que ça pourrait leur faire du bien, une cure de merde. Veuillez vous asseoir. Dilatez votre... On va peut-être revenir. Payé par les contribuables. Puis-je chanter une chanson 89, ouais. Une chanson non, à l'amour de... Ce n'est pas de la culture, ça n'est pas subventionné, tu te tais. Chie-moi dans la bouche, putain, vas-y. Ça, ça par contre, c'est subventionné. Ça, c'est de la culture. De la merde. Non, toi, tu te tais, c'est pas de la culture. De l'amour. De la merde dans mon amour, de l'amour dans ma mère. Voilà, là, d'accord. La merde. Là, c'est transcendant, c'est de la culture. C'est subventionné. De la merde. Ah, c'est bon, c'est bien. De la merde. Oh, moi, j'aime bien. C'est très bien. L'amour. La merde n'existe pas. La merde. Parfois nous la voyons. Ah, trop bien. Mais nous tirons la chasse. Ah oui, tirons la chasse. Au revoir mon étrange. Au revoir. La World Company évacue toutes vos merdes. Ah oui, évacue-moi. 112 litres d'eau potable. De l'eau potable. Nous, peuple supérieur, évacuons nos merdes sous 12 litres d'eau potable. Alors que d'autres, pas leur potable. Encadrement. Drement, je suis en drement, mec. Fuck, sire. Fuck, très salé. Fuck, tiramisu. Fuck, pinceau. Fuck, vanité. Non, c'est vrai, cassez-vous les mecs. Barrez-vous, tu sais. Eh, tu me suces la bite d'abord. Non, non, avant de se casser, on veut faire passer des accords transatlantiques. Toi là, casse-toi, toi. Toi là-bas, casse-toi. Toi là-bas, casse-toi. Cassez-vous. Si vous voyez les yeux de Hal. Combien de morceaux? Vous me le dites. On dirait un peu un caméléon, tu vois. Il change de couleur, il est tout rouge dans son aquarium. Et il bave, il en peut plus, il est bleu maintenant. Oh putain, il est violet, vite faites quelque chose. Attention, il est mort. Vos yeux tout globuleux. Ça c'est normal, c'est Hal quoi. Ouais, ça c'est classe ça. Franchement, Paris, tu joues ça sur le piano. C'est moi ça. Ouais, grave. Et un jour j'ai fait un rêve moi. C'est pas vrai. Ouais. Ouais, ouais. T'es pas fait de rêve, t'es pas noir, si tu racontes. Je te jure, j'ai rêvé que toi et moi nous étions heureux. Heureux comme la misère humaine. J'ai fait le même rêve mais c'était la nuit. Heureux c'est dommage, comme la merde humaine. Non. Heureux comme la misère humaine. Si on s'était rencontrés à 3, on se serait aimé à 3. C'est vrai. Heureux comme la misère humaine. Heureux comme la merde humaine. Heureux comme le roi de la pisse. Care about you, son, you piece of the motherfucking shit. Go fuck your mothers. Don't Fuck la merde. Fuck moi. Je suis mort. Trop de pression dans ton fion. Ça frôle la fracture anale. C'est brutal. Avec du gravier. Gravier. Avec c'est vraiment la merde d'animer une émission pareille. Oui. On sait pas à quoi s'attendre. Et un manche de pioche. Casse-moi le tesson de bouteille. Tu m'en donnes ? Vas-y, c'est cool. Mais pas pour les mecs comme moi. La boue est rieuse pour les classes laborieuses. Je suis tellement niqué que ta mère que je pourrais être ton père. Vas-y, ta mère la laborieuse. Ma mère du Maine. Tu comprends. Elle est cool. LED. Ouais, c'est cool. Pourquoi tu me fais ça? Arrête, franchement, c'est le c'est la merde d'Imen. C'est ton mauvais karma. Papa, recule-moi. Papa, recule-moi. T'as pas de feu? T'as pas de feu? Alors qui c'est qui a joué à des jeux vidéo aujourd'hui? Ouais, grave. J'ai joué avec ma vie. Dans la destinée, t'as vu. Moi, j'ai joué avec mon pénis. Et ben, je mets l'urette dans la serrure. Et après, je fais pipi dedans. Et ben, tu prends vachement mieux ton destin en main que ceux qui jouent à des jeux vidéo. À travers la serrure. Ouais. C'est chouette. Hein. Moi, je fais des trucs des fois aussi. Le mieux, c'est le faire chez les voisins. Je peux faire des jeux avec. On se comprend bien, toi et moi. C'est bien, c'est ça. Je fais pipi dans la serrure. Cool. Et il en a dans son appartement. Si tu la sors pas, bah, elle peut faire pipi partout. Et après, il peut glisser dessus. Il y a de la merde aussi, c'est trop bien. Et même qu'après, quand il met sa clé dans la serrure, le doigt dans le cul. Sa clé. Parce que elle a fait caca devant la porte, devant ma porte, et après elle a mis du caca dans la serrure et même sous la poignée. C'est comme ça quand j'ai essayé d'ouvrir chez moi, je n'avais plein les doigts et plein la serrure. Parce que des fois entre voisins, on se connaît pas, on fait des blagues, des farces, parce que sinon. Juste on dit bonjour et puis les portes elles claquent alors. C'est plus rigolo, mais. Comme moi je sais pas faire des gâteaux pour les emmener aux voisins, j'ai fait caca aussi comme ça. Une fois aussi, j'ai mis du caca dans une boîte aux lettres, c'était rigolo. Parce que, ça passait pas par la fente, alors j'ai appuyé, j'ai mis partout. Et le mieux c'est quand tu mets un caca et que tu mets un pétard dessus. Ah oui, mais après t'en as plein les doigts, c'est drôle. Une fois j'ai couvert une selle de vélo qui était marron en cuir et je l'ai couvert de merde. Et puis le monsieur il s'est assis dessus parce qu'il avait pas vu que c'était du caca. Ah ouais, mais c'est pas gentil parce que après il est plein de caca. Je trouvais ça super bien, merci pour ton intervention. Parce qu'il a regardé monsieur. Après qui c'est qui avait fait ça. Une fois j'ai vu un merci, caca. Merci monsieur pour votre intervention, dedans, vos interventions. J'ai marché dedans dans le caca. C'est pas une intervention, c'est une guerre. Parce qu'en fait, d'accord, on avait pas merci droit. Pour c'est votre le guerre. Mali. J'ai marché parce que on avait pas c'est droit, l'Ukraine, quoi. C'est sérieux. On a besoin. On a besoin de caca qui est là-bas. Ah, tu crains? Non. Non, parce que mon papa il m'a dit qu'il fallait faire ça. Ah ben non, parce que tu parlais de l'Ukraine, alors tu crains. Ah, ils craignent, ouais, c'est sûr, ils craignent. Ils craignent trop, quoi. Ouais, ils craignent. J'imagine c'est faire des trucs faute. Que je fais pas. Autrement dit, pas trop faire des trucs que je pars fais grave en couille. Autrement dit, j'ai une vie de merde. Et tout le monde me méprise. Autrement dit, je suis une méprise humaine. Genre bêtise, mais en pire. Parce qu'on est même sur la voie. Parce qu'on en est même sur la voie bonne ou mauvaise. Autrement dit, je fais rien. Je prends pas de risque. Comme ça, je ne peux pas me tromper. Mais je me trompe moi-même. Vilaine. Autrement dit, j'ose rien faire vu à mon refus d'avouer que j'avance pas. Autrement dit, je dis rien. Oh, je parle, mais je n'aborde pas les choses. Vous m'excuserez, je vais chercher des ressources en Ukraine. Pour un con. Et en fait, j'en suis un. Autrement dit, dans mon testament, j'ai ordonné aux vivants de brûler une demi-tonne des meilleurs morceaux, j'en escalope de veau. Autrement dit, je mets les gens qui n'ont rien à voir avec les histoires dans des salles d'état. C'est compliqué, c'est compliqué. Juste pour me venger des gens qui sont eux concernés par les histoires. Mais non, c'est compliqué. Laissez-moi, c'est compliqué. Tant pis, partez sans moi, je reste là. C'est compliqué, partez sans moi. Abandonnez-moi, c'est pas grave. C'est un mec comme il est. I wanna die once more. I wanna die once more. I wanna die once more. I wanna die. Tu comprendras. Je veux mourir encore. Je veux mourir encore. Je fais tout ce qu'il faut. Je veux mourir encore. Pas le contraire. Je veux mourir encore. Autrement je veux dit, mourir encore. Je préfère dormir que de faire. Autrement je veux mourir dit, je porte un regard critique imaginaire parce que je ne m'applique encore. Pas je veux mourir à mes défauts pour ne pas avoir à changer. Je veux mourir encore. Autrement dit, je veux mourir encore. Joisive. Je veux mourir autrement encore. Dit, je veux mourir. Je participe de l'indifférence collective. Autrement dit, j'implique tout le monde dans mes échecs et personne dans mes réussites. Autrement dit, je barbote dans un lac à pêche. Autrement dit, je pue, je sue et je tue. Voilà, je suis comme ça, moi. Fin 34-08. MD du 1-2-04-08. Je suis capable de rester keblo, ouais, j'en suis capable. Alors fais gaffe. Ouais, parce que mon keblo, c'est pas beau à voir. Mais alors vraiment pas beau. Genre détruit, bavant, tout ça quoi. Lèche mon gros champignon. Alors si je veux éviter d'y rester, je veux dire baveux et tout, vaut mieux pas que je prenne quelque chose avec toi. Parce que tu m'énerves quand même. Genre je t'écoute pas me parler. Ou plutôt, si je t'écoutais ne pas me parler, je deviendrais fou. Alors fais gaffe parce que je suis déjà pas mal barré. Alors là, si tu me fais triper avec toi, je deviens complètement ouf, c'est sûr. La vérité, écoute, que je ne c'est pas personnel, pas c'est juste qu'il faut pas mélanger conneries, moi, j'aime produits bien, et produits. Alors par exemple, si tu fais ça, THP, c'est sûr, pendant un bon bout de temps, c'est sûr. Alors voilà, je préférerais qu'on aille chacun de notre côté, tu vois, genre, par exemple, toi, va là-bas, et moi je reste ici. Non, c'est pas que je te dis de te casser, c'est juste que j'aimerais pouvoir me branler tranquille, tu vois. Sans commentaire vibrant par exemple, silencieux par exemple. Sauf que voilà, je veux bien de la compagnie silencieuse aussi. Ouais, c'est contradictoire. J'avoue. Carrément défoncé déjà, quoi. Vas-y, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est ça. Non, mais vraiment, justement, tu veux me faire jurer juste maintenant? Non. Cette émission me rend complètement fou. J'ai l'impression d'être chez moi, mais je suis pas chez moi. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Non, c'est juste un autre. Ça va être l'heure de la pause musique. C'était pas mal ça. Pendant 3 secondes. Viva il fascismo! Mussolini! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le dessus, accroche la teigne! Tire le d Tuons-les tous, oui, mes frères et sœurs. Oh, les poulets au chacun, y'a le bourgeois. On va faire une farde. Mais d'abord... Le sang, frappe le sang. On va les remplir le ventre de chacun et après on va les faire cuire à la broche. D'abord, enculons nos mères. Ouais, gloire à Satan. Mais Satan la bête, oui. Arrête-moi. Satan, Satan la bite. Enculé le marine. Arrête-le, mais arrête-moi. Ouais, gloire à Satan. Fait, avant de faire le pain, il faudrait bien de réfléchir. Mais ouais, le pain, tu vas le mettre dans la gueule, moi, le pain, qu'est-ce que tu me dis là? Parce que à force de roucouler... Gloire à Satan. Tu roucoules ta gueule. Moi, Satan. T'encule, moi. Satan la bite. Et voilà ce qui va arriver. Je t'encule, moi, voilà ce qui va arriver, mon dieu, mon dieu. Après que ça, voilà le méchant. Parce que, à force de gratouiller avec les identitaires, tu vas voir la châtaigne, tu vas te la prendre, il t'a dit. Vive la merde. Après, c'est le cagole. Après, c'est le clan, après, c'est le village. Après, c'est le cagole, en bouillie de haine. Chut, chut, chut, chut, chut, j'entends quelque chose. Ah ouais? Il y a quelque chose. C'est quoi? Tire dessus, mon dieu! Il y a de la musique dans l'air. Ah ouais. Putain, c'est quoi cette merde? Mais tire dessus la musique! Style, mec. Le style. Ça veut pas jouer, ça veut pas jouer. Wow, ces gens ils viennent du front féodal. C'est trop beau. Bah, à un moment d'époque, Johnny joue mieux la guitare comme ça. Parce que là, il s'est plus très bien accordé. Parce que maintenant, il a rajouté des cordes. Alors qu'avant, il n'y avait pas tout le chromique, les machines. Johnny, je sais pas, avant une prise de cordes. Je préfère celui qui chante à sa place. Ces jeunes, c'était des boyaux. C'était des boyaux de cordes. Le noir, il chante pour la vie. Des nerds, le chat. Le chat du voisin, on reprenait, on lui a lâché le nerf, avec le nerf, on le tendait, on le faisait sécher, puis après on prenait des cordes pour la guitare, et là on nous ressemble ça, et nous on jouait avec les manouches jusqu'au bout de la nuit là. On était coréens, on jouait avec les manouches, avec des cordes en poule de chat. Alors après qu'il vienne pas nous dire qu'on est raciste, parce que nous là dans le village on n'est pas raciste. Avec les manouches de la guitare, ça, c'était avec le des bon cordes, temps, ça. Avec des nerfs de chat, qu'on attrapait le chat du voisin, on le coupait en petit, on l'attrapait. Avec les manouches, je te rappelle, on mangeait le niglou là. Le niglou juste avec l'argile. Non, ça c'est dégueulasse là. C'est fait. Non, là c'est pas bon. Non. Et puis moi j'aimais bien le niglou parce que tu sais, dans mon potager, il mangeait les limaces. Il mangeait les limaces. Et ça c'est bon ça. Mais les limaces, ça c'est chez le babacour, ça. Ils attrapent ça. C'est très bien que ça nous rend sérieux. Bon ben, vous écoutez Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur la radio Canal Sud, qui n'est pas une émission, une radio de merde, mais l'émission Nuisance est une émission de merde. On mange ma merde. Ouais, si tu veux. Et donc on va manger un morceau de merde. Je préfère mon pommeau quand même. Plus parfumé. Non, c'est ma merde qui est plus parfumée. Après voilà, on se la pète avec les herbes d'Occitanie, mais faut pas oublier, on a fait des bonnes chouilles avec les Bretons. Ah oui, parce que là ça va être la fête. Et avec même une fois chez moi, il y avait un chaoui des montagnes, il est arrivé et franchement il se l'est collé. Ouais, mais il a mangé ma merde. Il est arrivé avec sa chéchia comme ça, avec un genre de banjo là, mais tu sais, plus allongé là, on aurait dit une courge. Rock Dieu que c'était bon quoi. Rock Dieu, ça va. Il avait le rythme dans la peau. Ça c'est bon, ça c'est la musique de l'ancien temps. Et ça c'est sans frontières, ça, tu ça, vois. C'est la musique de l'ancien temps là. Quand à l'époque, avec les grand-mères et les grands-pères, on jouait, on dansait. Et puis toute la nuit, ça coupait. Et puis ça racontait l'histoire de chasser. Et puis parce que ça c'est les bimbos là, ils sortaient dans la forêt. Toute la nuit, avec la panouille à la montagne, ils sont ramenés les cendriers pour le soir. Après. Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Nap après au bar des jeunes filles, je tapais les bourgandines, quoi, comme on appelait ça. Les jeunes qui avaient besoin, comment dire, d'un petit peu de monnaie, les vieux qui avaient besoin d'un petit peu. Même pas, on avait besoin de monnaie, quoi. Même pas, quoi. J'avais besoin d'un petit peu. Besoin de rien, j'allais voir les prostituées qui mettaient des perruques rousses comme ça, avec des fleurs, des fleurs. Et voilà, il faisait plaisir à le donner encore à toute la population. C'est comme ça qu'elle aimait passer le temps, quoi. C'était à la bonne époque, la tout merde. Ça. Je me souviens, avec François, ça bougeait bien. Et René aussi. Lui, il tirait bien, René. René, j'étais un bon chasseur. J'étais un bon chasseur, René. Et bonsoir, ma chérie, les petites, elles étaient un petit peu comme elles. Elles étaient un peu les cheveux rouges comme ça. Et tu savais que s'il avait les cheveux rouges, tu allais t'amuser avec. Vraiment beaucoup, c'est ting ting. Non, mais non. C'est vrai. Non. L'amour est enfant de bohème. Ce n'est pas un cartésien. Descartes est un enfant de putain, je le sais parce que sa mère m'a taillé une pipe pour 50 euros. On n'entend rien à ce que vous dites, on n'entend rien, on n'entend rien. La la la la la la la la. Arrêtez de beugler comme ça, arrêtez. Got a wombat flying on my nerve, going down on little pervert. Ed. Perverted Ed was a funny kind of guy. Never wanted to jerk off, just wanted to eat some pussy all the time, you know what I mean? Perverted Ed was a friend of mine, he was fucked up in the ass. And every time I ate his pussy, he would come on my face with jism. And happily ever after we had kids, I know what I mean. I know what I mean. I know what I mean, shit, you know? You know what I mean? Shit is like fucking all the time. On the verge of happily ever after jism, cunt, and pussy wiping cum. I'd rather know than be a star. I'd rather know than be Michael Jackson. I'd rather know than be a stupid fuck. And I don't care. I don't care. What happens to my corpse? Cette même bouche, après mille serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette même bouche à mes yeux, savante infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien, mais pour jamais, adieu. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même. Comme ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un jour, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Il y a encore personne qui lui a dit de fermer sa gueule à l'autre con. Mais quelle est mon erreur? Et que de soins perdus. D'exister peut-être. L'ingrat de mon départ consolé par avance. Excuse-moi, je pense que t'as vu tes bourrelets. Daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Mais non, justement, il aimerait que ça dure encore et encore. Plus t'es loin, mieux c'est. Liquéfie-moi. Je te boirai. Puis-je moi. Puis-je te flétrir. Flétris-moi. Alors, pour commencer, je veux que tu regardes ceci, un film à la télé. Sur terre. Puis, en pensant à moi, tu te torches le cul. Après avoir pris une cuite à la vinasse dorée. Le soir à minuit, tu te tripotes l'anus en gerbant ta culotte que tu auras mangée, sale. Puis, mon esclave, pour que je puisse te flétrir enfin, que tu sois sainte à mes yeux, il faudra que je me flagelle avec une verge dorée. Enfin, quand nous pourrons enfin nous unir amoureusement en enfer pour accomplir le baptême de l'Antéchrist, Satan, ô grand Satan, tant la bite, et bah Satan viendra en moi et te pourfendra. Oui, te pourfendra et tu seras flétri, mon anus, esclave. Merci. Poivre-moi. Le petit poète perdu. Je ne suis pas narcophage. Sa position céleste. Avec une idée d'outre-terre. Mais dites-moi. Serré sur son cœur chevelu. Liberté, il n'y en a point en enfer. Ma très chère. L'enfer, c'est sur terre. Et c'est maintenant ou jamais. Concordance de mots. Teste-moi. Avec la minute de mes états. Mais c'est normal. Mais à tout le monde, il manque des mots. Mais vous êtes trop difficile avec sauve-toi. Vous-même. Oui. Mais à vous entendre, il n'y a pareil. Il y a un bordel monstre à côté, je me demande s'il y a un vernissage peut-être, on a raté ça, ça fait tellement longtemps qu'on est là, assis là, tous les trois. Il y a un vernissage à côté, ça fait une semaine qu'on est là, le vernissage a recommencé. C'est ça. Et c'est l'enfer. Ça s'arrête jamais. C'est les autres. Alors Muse. Vous êtes des cons. tu muses. Muse, vous musez. Depuis l'intelligence jusqu'au mince, depuis le perçant jusqu'à les durées. Oula, qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Je vais vous lire un texte. C'est un texte profond, si profond qu'on ne le voit pas. Il est invisible, écrit blanc sur blanc, noir sur noir. Il est impalpable, inodore, mais on ne peut même pas l'entendre. Il est constitué de mots, de lettres, de chiffres et de couleurs. Se construisent facilement et d'autres moins. Mais l'univers impitoyable en constituera un paragraphe paraphrasé d'une azur bleuté. L'occulte syndrome dans lequel je me meurs. 3. Mais rien d'autre. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Que l'autre. X, Y, Z, U, V, W. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud, froid, dur, en endurant. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, Z. Forme d'un désespoir. U, V, W, X, Y, Z. Vraiment vital. U, V, W, X, Y, Z. Carrefour des séparations. Carrefour de la semence, de ma chair. Abandonné par mon corps. Abandonné de tout. A, B, C, D, I, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, V, W, X, Y, Z, cet état dans lequel Q, R, S, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, à la fièvre, M, N, O, P, au cours Q, R, S, T, de maladie, U, V, W, X, Y, Z, irritation, U, V, W, X, Y, Z, antinomie, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N-O-P, mon extérieur, R-S-T, je ris, je rien d'autre que le miroitement de mes idées. X, je glisse, Y, mon couteau dans la chair, mouvant, Z, le vrai du faux, le jamais du pourquoi, la séparation de l'homme en lui se découpe des taches et des couleurs. It's horrible. I can't understand myself. I'm not inspired, otherwise I should be, but there's no other way. I just gotta shoot myself down in pity and self-pity, you know? It's like this, it don't ever stop. It's just going down the whole fucking time. I can't stop it from going down. I hate myself for being myself. I'd rather shit on my head than be something else than amusing. J'ai la fièvre. La fièvre du vendredi soir. Je ris, je pleure, je me brûle et me noie. Pourquoi donc? Mes dents sont blanches. Chaud, froid, dur en endurant chaleur. Mon nez est gros. Mes poils tombent. Et tout ce temps. Mes pieds sentent. Là. De la lassitude même que ce que j'aimerais. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai. Et bien c'est à ce moment-là que le mec qui me dit merde, et moi je lui dis oui c'est vrai, c'est vrai et... Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Ça s'est fini à ce moment-là. Ouais. Et j'étais bien. Ouais. J'étais bien. Ouais. J'avais envie de mourir. C'était très bien. J'avais envie de mourir. Mourir, enfin. Ça s'est comment? Mort. C'était épais de combien? Mon cadavre purulent. C'était énorme. La pustulentielle morte. C'était long. C'était pas très long. Chiotte. Chiotte suprême. C'était épais. Je suis d'une largesse dorée. Je suis lâche. Et funambule. Ça s'est largement bien passé. Merde. Et de quelle couleur c'était? De la merde. C'est inaudible, c'est rouge. Si tu sens. Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it? S? Les cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. S? Je suis tout seul. Et toute pourtant seule. Dérobée. Toute seule. Je ne comprends pas. Un Larsen peut-être m'aidera. Toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Pourquoi pas? Je me sers un verre. Pourquoi pas après tout, hein, Larsen? Clac fait le verre en tombant sur le plancher. Et plouf fait la langue en tombant le lino. De la bouche dans le verre après c'est être coupé fion. Par une pince à épiler. C'est la fion. Main. C'est fion. Fion, hein. C'est fion. In Fion, in Fion. Sans les morceaux. I'm Fion, in Fion, in Fion. It's Fion. It's Fion, it's Fion. It's Fion, it's Fion, it's Fion. Une liqueur plus forte ou un café noir. It's fire. It's fire. Hey, qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as là? My fire. My fire. My fire. Yeah, baby. I'm fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Dieu. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui bat son plein et grâce à ses invités, c'est enfin un peu vivant. Ça fait un petit moment que c'était pas comme ça, alors s'il vous plaît, barrez-vous, quoi. Vite. Je me barre. J'en ouais, je comprends. Ouais. Si. Vous êtes tous des merdes, de toute façon. C'est vous clair. Respectez pas mon art. Vive la mort. Vous respectez vive le pas néant. Mon corps. Vous respectez pas mes idées. Vous ne me respectez pas. Et donc, vous n'existez on plus. Te chie ouais, c'est vrai. Dessus. On te chie dessus. T'as trop raison. On te chie dessus. On te chie dessus. On te respecte pas. On te chie dessus et c'est fion. Que vous c'est êtes. Fion, on te chie dessus. On respecte pas tes idées. Vous n'êtes que du vent. Et on n'est que du vent. Ignorante. Ouais, ignorante, ouais. Oui. Moi, je suis ignorante. Que Dieu. Ouais. Et vous êtes incompris, à mes yeux, vous n'êtes que des mères. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Oui. T'as trop raison, c'est des clair. Liquides. Ah, je te vois enfin, Dieu, t'as trop raison. C'est vrai, je suis qu'une merde, j'avais jamais vu avant. Ah, ben je vais claquer mon Blackberry contre le mur, tiens. Juste pour me venger de la société. T'as trop raison, Dieu, je suis qu'une merde. Allez, je vais prier maintenant pour m'en repentir. Et c'est bon, c'est effacé. Merci de me pardonner, Dieu. Je t'aime tellement. A Wimboé, a Wimboé, a Wimboé, a Wimboé, a Wimboé, a Wimboé, a Wimboé, a Wimboé, a Wimboé. Ouais, gloire à Satan. Satan la bite. A Wimboé. Bip. J'plonk. Bip. Bip, bip, bip. J'plonk. Bip. Bip. Splonk, splonk, splonk, splonk, splonk, beep, beep, beep, splonk, big beep, beep, splonk, beep, splonk. Fuck, se battre. Fuck, se forcer. Fuck, faire. Fuck, apothéose. Fuck, acné. Fuck, beat. Fuck, beat. all about it. I'm damned to hell, fuck me, yeah. Oh yeah, it's cool man. Oh yeah, it's fucking cool, yeah, fuck me again, yeah. Oh, it's cool, it's cool, it's cool, it's cool, it's cool. Oh yeah, it's fucking cool, you know what I mean? You know what I mean? It's fucking cool, man. It's fucking cool, you know what I mean? You know what I mean, you know what I mean, man? You know what I mean, man? You know what I mean? Yeah, baby, yeah. Yeah, dude. Yeah, girl. Yeah, man. Yeah, hey, dude, man. Girl, you know what I mean. Yeah, it's fucking cool, man. It's fucking cool. Allez-y en boîte, là. Allez-y en boîte, tapez votre coque, espèce de riche. Crevez en enfer, bande de riches de merde. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, je m'encule. Auditeurs, que ceci est une émission d'expression libre. Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, une adresse le 40 rue Alfred Duméril, un téléphone le 05 61 53 36 95 05 61 53 36 95, un site le www.canalsud.net, net, un horaire de 21h à 23h, c'est nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, une émission d'expression libre, à tendance bruitiste. Le bruit, c'est bon. Ferme ta bouche, je t'ai dit de fermer la purulence de ta bouche. C'est dit. Nuisance vous laisse, pour l'instant, sauf si d'autres interventions se faisant, comme ceci, cela, ou pas. Va savoir. Je Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga day, day. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called niggas with attitudes. When I'm called on, I got a sword on. Squeeze the trigger and bodies are hard on. You too, boy, if you fuck with me. The police are gonna have to come and get me. On your ass, that's how I'm going out. For the punk motherfuckers that showing out. Niggas want to fuck, they wanna rumble. Mix them in, put them in a pot like gumbo. Going off on the motherfucker like that. With a gat, that's pointed at your ass. So give it up smooth. Ain't no telling when I'm down for a jack move. Here's a murder at the keep ya dancing. With a crime record like Charles Manson. AK-47 is a tool. Don't make me act a motherfucking fool. Me and you can go toe to toe, no make. I'm knocking niggas out the box daily. Yo, weekly, monthly, and yearly. Until them dumb motherfuckers see clearly that I'm down with the capital CBT. Boy, you can't fuck with me. So when I'm in your neighborhood, you better duck. Cause Ice Cube is crazy as fuck. As I leave, believe I'm starving. But when I come back, boy, I'm coming straight out of Compton. What's up? Tell them where you're from. Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. For punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking across, it's like burglary. The definition is jacking. But when I'm legally armed, it's all packing. Shoot a motherfucker in a minute. I find a good piece of pussy and go a minute. So if you had a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. You probably get mad like a bitch is supposed to. But that show is like junk and post to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit, cause I'm tearing up shit. Empty ring controls are automatic. Any dumb motherfucker start static. Battle right hand cause I'm a hand itself. Every time I pull an AK on the shelf. Security is maximum and that's a law. R.E.N. spells red but I'm wrong. See, cause I'm a motherfucking villain. The definition is clear, you're the witness of a killing. That's taking place without a clue. And once you're on the scope, your ass is through. Look, you might take it as a trip, but a nigga like Ren is on the gangster tip. Straight out of Compton. Compton. Compton. Easy, but it's a flash that never sees me ruthless. Never seen like a Dieu, j'ai oublié d'éteindre Nuisance. Oh que c'est affreux, j'ai dépassé l'heure, il est 11h15 et Nuisance est toujours en action. Oh mon Dieu, que vais-je faire? Oh que vais-je faire? Oh je vais peut-être laisser alors. sais-tu à quel prix un octave.